ressemble à un cri en isocèle. Il me nage les pieds en losange. Il grince, craque et fendille. Un petit beurre. Les miettes lui tombent du nez. Il a une moustache dans un cercle. Et quelques cartons d'ail laissent soupçonner un bouillonnet de soie avec une poupée et 36 pistolets. Sur une échelle, il nettoie les vitres au bleu de l'éthylène. Les rideaux s'effilochent sur le plancher. Il a un chapeau pointu et le rictus rouge. Son regard parpillé laisse couler le rimmel dilué aux larges océanes. Il avale sa salive avec le plâtre, blanc sur blanc. Un pur sang se sauve par la terrasse où le linge claque au vent. Sur les tréteaux.